d'ici ne revient plus. Je me lasse de ma vie à force d'être déçu. Tu me sers plus à rien, même pas à m'aimer. Tu me serreras plus jamais contre tes reins. T'as fait de mon cœur un chantier, un désordre gros comme ton ego. Et tes mots beaux comme l'été, tu sais, moi j'y crois plus trop. Et crois pas qu'en gesticulant devant moi comme un enfant, je vais changer d'avis sur le sort de ta petite vie. Alors pars à tout jamais et ne reviens jamais. Ne cherche pas d'espoir, il est mort à cause de toi. Tu l'as étouffé dans tes songes et puis tous tes mensonges, c'est pas ça qui t'aidera. Alors pars à tout jamais et ne reviens jamais. Ne cherche pas d'espoir, il est mort à cause de toi. Tu l'as étouffé dans tes songes et puis tous tes mensonges, c'est pas ça qui t'aidera. Je veux plus de toi, j'en ai marre de tes bras. Pour de bon cette fois, tire-toi. Je te demande pas de mourir, tu serais pas capable de le faire. Mais j'ai beau réfléchir, je vois pas à quoi tu me sers. Je veux plus t'entendre, j'en ai marre d'attendre. Même ta beauté m'ennuie, maintenant c'est fini. Ça vaut plus la peine d'essayer de réparer tout ce que t'as déchiré avec ta haine. Alors pars à tout jamais et ne reviens jamais. Ne cherche pas d'espoir, il est mort à cause de toi. Tu l'as étouffé dans tes songes et puis tous tes mensonges, c'est pas ça qui t'aidera. Alors pars à tout jamais et ne reviens jamais. Ne cherche pas d'espoir, il est mort à cause de toi. Tu l'as étouffé dans tes songes et puis tous tes mensonges, c'est pas ça qui t'aidera.